vivre en contexte de guerre occulte. Donc, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, là, avant de débuter à proprement dit, je fais un avertissement. Donc, les gens qui sont plutôt spirituels, là, arrêtez d'écouter l'enregistrement maintenant parce que je risque d'utiliser des gros mots dans les prochaines minutes. Là, je suis sérieux, je vous avertis. Fait que là, je commence. Donc, par rapport à la guerre occulte, je suis confronté à une situation, comme sans doute plusieurs personnes d'entre vous, de guerre occulte qui se déroule. Et je suis écœuré, je suis tanné à ce tabarnak de ce petit calice de ciboire, d'être confronté à vivre dans un petit scénario de marde, de planète qui s'empourbe dans une petite crise sanitaire sans fin. Je suis écœuré de la situation mondiale, je suis écœuré de la situation au Québec, je suis écœuré, tabarnak, d'être pogné dans une situation de guerre occulte. Sans doute, il y en a d'autres d'entre vous qui vont me dire, ben, tu l'as voulu parce que tu t'es incarné ici. Peut-être qu'une partie de moi-même a voulu ça, mais la partie de moi-même qui vous parle, moi, je suis tanné de cette guerre occulte, dans le sens que je suis impliqué, malgré moi, dans une guerre occulte qui fait pas mon affaire. En ce sens, que, dans le fond, moi, je veux avoir, en tant qu'individu, en tant qu'ego, là, qui vit présentement sur le planétaire, je veux avoir la paix. Puis c'est pas possible d'avoir la petite paix en Occident. On est tout le temps bombardé par de la petite publicité de merde pour nous faire peur. Puis là, quand que c'est pas la menace d'un virus, c'est la menace des changements climatiques. Puis là, il y a toujours quelque chose pour nous faire, pour essayer de nous faire vibrer à la peur. Moi, tabarnak, je suis écœuré de cette civilisation-là, décadente, involutive, où on cherche tout le temps à nous manipuler par la peur. Et la guerre occulte, c'est quoi? Ben, c'est les forces oppositionnelles, c'est les forces astrales qui utilisent la peur contre l'homme pour le garder tout le temps stupide, manipulé, dominé, soumis. Puis en même temps, ben, la guerre s'opère en ce sens que, d'un autre côté, ben, il y a le plan mental qui cherche à pousser dans le cul à l'homme, dans son derrière, l'homme ici qui inclut l'individu masculin et féminin, là, l'homme avec un grand H, pour l'amener à faire face aux attaques astrales. Mais là, ce qui est pernicieux dans cette histoire-là de marde de calice, c'est que des gens qui ne l'ont pas voulu sont confrontés avec des hosties de descente d'énergie de calice qui passent à travers leur canal. Et à ce moment-là, ils sont obligés de tasser de l'astral malgré eux. Autrement dit, ils sont impliqués dans une guerre occulte malgré eux parce que ils subissent, pour des raisons de programmation évolutive, des descentes d'énergie qui les amènent à changer de taux vibratoire et à ce moment-là, à tasser l'astral qui est en eux. Mais ça n'empêche pas que l'environnement demeure hostile à ces individus-là. Et c'est sûr qu'un environnement qui est hostile par rapport à ma sensibilité qui a changé au fil du temps, ben je le vois constamment. Tu sais, moi, je suis tanné, j'ai l'impression que de vivre dans un style dépotoir à grandeur ouverte, avec plein de monde qui sont astralisés, qui vibrent tout le temps à peur, puis il y a tout le temps quelque chose qui marche pas. Puis même quand ça va bien, il y a une couple de jours, il faisait chaud au Québec, c'était au mois d'octobre, on pouvait se promener en t-shirt dehors, en Bermuda. Ah, ben là, on cherchait à nous faire peur en disant, ah, ben, c'est à cause des changements climatiques que vous vivez une température chaude comme ça. Puis là, on sous-entendait que vous êtes des mauvais pollueurs, puis c'est à cause de vous que ça va mal. Mais il faut réaliser qu'à quelque part, Chris, l'être humain est manipulé pour utiliser des technologies limitatives. Les vraies technologies, asti, sont gardées secrètes. On les sort pas, tabarnak. Réveillez-vous, asti, ça fait depuis au moins 1947 que l'ufologie, dans le fond, qui a pris place à la surface de la Terre en Occident, parle d'objets volants non identifiés, de soucoupes volantes, de vaisseaux spatiaux. Puis eux autres, c'est drôle, Chris, ils ont pas de problème d'alimentation en essence. Puis ils font toutes sortes de manœuvres dans le ciel, puis ils ont aucun esti de problème. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'utilisent pas des moteurs essence. Puis ça fait longtemps, esti, qu'il y a d'autres technologies qui existent, mais on nous les donne pas. Ben non, Chris, nous autres, on est en quarantaine planétaire, esti, on est gardé des technologies de merde, limitatives, polluantes, puis après ça, on nous culpabilise le comble du malheur de polluer. On est aliéné, on est manipulé pour polluer, puis ensuite, on se fait traiter de cave, de méchants pollueurs parce qu'on pollue. Esti qu'on est manipulé. Hein, on nous culpabilise à l'os. Autrefois, c'était la religion chrétienne, catholique au Québec. Si tu penses pas comme le pape, t'es un trou de cul, calice. Puis là, si tu penses pas comme les écologistes, t'es un méchant pollueur. Tu pèches contre l'environnement, la religion verte. On est tout le temps manipulé. Mais en réalité, ce qu'à un moment donné, calice, que les gens devront réaliser, si vous posez la question à votre esprit, est-ce que l'univers est plein d'énergie? Oui, tabarnak. Donc, moi, c'est la réponse qui émerge en moi. Et cette technologie-là est déjà canalisée par des êtres du cosmos. Les extraterrestres, inquiétez-vous pas qu'ils ne fonctionnent pas avec des autos à l'essence. Et c'est sûr que, dans le fond, on est tout le temps manipulé, on est gardé limité, on est gardé stupide. Puis les seules technologies qui sortent sur le marché, ben, c'est tout le temps des technologies de contrôle. Et inquiétez-vous pas, là, par rapport à la menace sanitaire, là, le passeport sanitaire, ça va sortir. Ensuite, le traçage numérique avec le téléphone intelligent, surveillez vos déplacements partout. Inquiétez-vous pas, ça va se commercialiser. Inquiétez-vous pas, toute technologie là, qui permet de contrôler les individus, les surveiller avec la reconnaissance faciale, comme on peut voir en Chine, inquiétez-vous pas que le plan astral va s'assurer que ça soit diffusé partout dans les médias et que les gens veulent ça, tabarnak! On est programmé à payer des technologies qui nous rendent esclaves. C'est le comble de l'aliénation. La personne travaille, elle est dépossédée d'une partie de son énergie parce qu'il faut qu'elle paye des taxes, il faut qu'elle paye des impôts, il faut qu'elle paye ci, il faut qu'elle paye ça. Donc, l'argent qu'elle gagne, elle l'a pas clair. Ensuite, sur le revenu brut qu'elle a, ben, le revenu net, une fois toutes les déductions imaginables, congés de paternité, maternité, etc., ben là, il en reste un peu. Et ensuite, sur cet argent-là, on va dire à la personne qu'il faut que tu t'achètes un téléphone intelligent pour par la suite l'utiliser pour mettre dessus ton passeport sanitaire pour pouvoir entrer dans les commerces. Donc, on amène les gens à penser que le passeport sanitaire avec le téléphone, c'est quelque chose d'essentiel. Vous allez me dire, la personne peut aussi l'imprimer sur papier, mais là, le papier, la personne peut le perdre, le papier peut prendre l'eau. Mais oui, mais on peut mettre ça dans un truc plastifié, c'est sûr, mais on est amené à penser que, ah, ben là, ça prend le téléphone. Fait que là, on va acheter un téléphone, puis ensuite, on va être surveillé avec ça. On est tout le temps contrôlé, on est tout le temps manipulé. Et la guerre occulte que je veux dénoncer dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est celle qui s'opère à l'insu de la majorité des gens sur Terre qui n'ont pas cette conscience-là. Puis en même temps, on ne peut pas les critiquer de ne pas avoir cette conscience-là parce qu'ils ne vivent pas la fusion avec l'esprit. Pourquoi ils ne vivent pas la fusion d'une manière consciente avec l'esprit? C'est parce qu'ils n'ont pas les corps pour supporter l'énergie. Puis on ne peut pas les critiquer par rapport à ça parce qu'ils ne sont pas prêts. Ça serait comme critiquer un enfant de 5 ans pour comprendre des concepts de type universitaire liés à la physique quantique. Fait que là, on est dans un style cercle vicieux. Fait que les gens n'ont pas la contenance pour l'énergie de l'esprit. Puis quand une personne vit un contact avec l'esprit ou la fusion, ben, elle se ramasse à tout seul à comprendre des choses, à avoir de la manipulation partout autour d'elle. Puis moindrement, si elle en parle, ben, elle va être interprétée par d'autres personnes de son environnement comme étant paranoïaque, comme étant une personne qui capote pour rien, ainsi de suite. Donc, puis l'astral des autres personnes va chercher à mettre en échec cette personne-là en l'amenant à être discrédité avec des formes, des étiquettes. On va dire, telle personne n'apparaît pas comme les autres, c'est une complotiste. Elle pose des questions, c'est une complotiste. C'est toujours de la petite manipulation de notre société de marde. Et c'est plate. Des fois, je suis tanné. Honnêtement, là, c'est bien beau vouloir avoir le sourire, Chris, puis faire la méditation, puis essayer de vivre dans le calme, puis de se recentrer. Ça fait des mois puis des années, hostie, que je fais des efforts pour rester centrique dans une société en déconfiture. Et là, c'est sûr qu'avec la crise dans laquelle on est, la société, avec les mesures de contrôle qui augmentent, puis on sème toujours la peur, puis on présente toujours des mesures de contrôle comme étant la solution. Puis naturellement, ben qu'est-ce qui arrive? Comme là, le passeport a été implanté depuis plusieurs semaines. Inquiétez-vous pas là, que ça n'a pas réglé le problème sanitaire au Québec. Mais non, là, on pense, ça va prendre deux doses d'injection, une troisième dose. Là, on commence le marketing, la troisième dose. Ensuite, ça sera peut-être la quatrième, cinquième. On cherche tout le temps à amener les gens à essayer de trouver des solutions à l'extérieur d'eux, alors que les gens sont détournés de leur intériorité puis d'eux-mêmes. C'est le manège de l'astral, parce que tant que l'individu, son attention est tournée vers l'extérieur de lui, ben, il n'est pas en contact avec son esprit. Puis s'il n'est pas en contact avec son esprit, ben, il ne peut pas voir clair par rapport à ce qui se passe. Donc, il n'a pas accès au savoir. Donc, il est gardé ignorant. Et on maintient la population dans une ignorance en donnant l'illusion de l'accès au savoir à travers les connaissances multiples auxquelles les gens peuvent avoir accès grâce aux gadgets technologiques. La connaissance, ça ne vaut pas de la marde. Puis, dans le fond, toutes les formes qu'on peut accumuler, ça vous permettra jamais de vivre la paix de l'esprit. La paix de l'esprit se décide lors d'une montée en vibration que la personne met son poing sur la table en disant « tabarnak, ça suffit ». Et pourquoi que je prends la parole? Ben écoutez, je vous le cacherai pas, il n'y a pas des millions de personnes qui vont écouter l'enregistrement à présent. Il s'adresse à des gens particuliers, probablement que les plus spirituels qui n'ont pas écouté mon avis tantôt. Ils ont arrêté de l'écouter là, depuis 4-5 minutes. Là, j'ai utilisé mon vocabulaire de pouvoir québécois. Chris, il faut bien qu'il y ait un bénéfice à vivre ici. Au Québec, tabarnak de style calice. Il fait fret comme le calice. Tu sais, il fait fret ici, il fait froid. C'est vraiment désagréable. Là, au moment où je vous parle, au mois d'octobre, on se prépare à vivre l'hiver. Hostie, c'est... Moi, je suis tanné des hosties d'hiver québécois rigoureux. L'hostie de neige, tabarnak. Puis tout le temps, l'hostie de froid. Puis c'est très désagréable. Hostie, c'est désagréable. Fait que là, les gens en Europe, là... Les gens dans les petites îles, là, en Martinique, là, s'il y en a, tabarnak, qui écoutent l'enregistrement, ce que je vous dirais, là, arrêtez, astie, de nous envier au Québec. Il y en a qui pensent, tabarnak, qu'au Québec, les gens sont libres puis ont accès à la conscience supramentale comme nulle part ailleurs à cause que Bernard de Montréal est venu ici. C'est pas vrai que le peuple québécois, en général, a accès à la conscience supramentale. Présentement, c'est anecdotique, c'est quelques individus. Donc, faut pas partir en peur. Il y en a qui voient le Québec comme étant la nouvelle Israël, en ce sens que les gens pensent qu'ils... Ah, j'avais parlé à un moment donné des Européens, tabarnak. Ils pensaient, ah, disons, on va déménager au Québec. Ils pensent que c'est tous des gens qui parlent de conscience, là, comme Bernard de Montréal, Danen Kemp, Marc Lassalle, Berthold, etc. Mais non, tabarnak, c'est pas de même que ça marche. Et si vous écoutez les gens qui touchent à la conscience supramentale, les Européens, ou même les gens de la francophonie en Afrique, c'est pas représentatif de la situation. Ce qui se passe présentement au Québec, c'est qu'une poignée de gens, dans le fond, vont toucher à de la conscience, mais c'est très limité. Vous écouterez les médias de masse québécois, dans le fond, vous allez le voir, à quel point les gens sont astralisés, à quel point les gens sont peureux, à quel point les gens sont soumis à l'astral. Donc, l'astral est partout ici, comme un peu partout. C'est sûr qu'il y a eu Bernard de Montréal, mais quelques individus, c'est sûr que c'est mieux que rien, mais c'est très, très, très, très, très embryonnaire. Donc, puis moi, ce que je vous dirais présentement, c'est qu'il n'y a aucun endroit présentement dans le monde, au moment où je vous parle en 2021, qui est libre de l'astral. Fait que peu importe l'endroit que vous allez vous déplacer, vous allez en France, en Belgique, en Suisse, en Martinique, tous les endroits imaginables, les beaux endroits où il y a des palmiers, etc., oubliez ça, il y a tout le temps de l'hostie d'astral partout, puis que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas, si vous touchez à la conscience supramentale, vous allez être exposé à des oppositions parce que l'astral n'aime pas ça, perdre son emprise sur un être humain, parce que ça peut représenter la perte d'emprise sur d'autres êtres humains éventuellement, car l'énergie supramentale tasse l'astral. Il faut comprendre que l'entité astrale, lorsqu'elle est tassée par un individu qui touche à une conscience supramentale, eh bien, elle veut pas perdre trop de parts de marché. Parce que si un individu en éveil, puis si la personne met en vibration d'autres personnes à travers une parole de nature vibratoire qui est prononcée à travers un micro, ben, c'est sûr que à ce moment-là, la parole vibratoire peut tasser l'astralité au sein d'individus qui entendent les propos à caractère vibratoire momentanément. Mais tôt ou tard, l'astral va essayer de récupérer les gens qui écoutent les enregistrements. Donc, autrement dit, l'enregistrement à caractère vibratoire peut donner un état d'apaisement psychique temporaire où la personne va sortir d'un état de peur ou un état de soumission à l'astralité à travers une vibration émotionnelle comme de la tristesse, de la mélancolie et surtout la culpabilité. Mais c'est pas en bénéficiant du support d'un initié qui se met à gueuler dans le micro que la personne va être libre pour autant de l'astral. Elle doit monter elle-même en vibration et développer une conscience oppositionnelle par rapport à l'astral pour la neutraliser d'une manière autonome et se maintenir dans un état de paix mentale. Chose qui n'est pas évident parce que la minute que quelqu'un touche un peu à peine mentale, ben qu'est-ce qui arrive? Ben, les entités astrales vont chercher à s'opposer à cette personne-là, à s'opposer à son rayonnement vibratoire. Et la personne, malgré elle-même, même si elle cherche pas à être impliquée dans une guerre occulte, elle l'est, Chris. La minute, en fait, que la personne touche à une conscience supramentale, est impliquée, la personne, dans une guerre occulte. Qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, la vibration qui la pénètre, qui déloge l'astral en elle, va avoir un contre-coup cosmique en ce sens que les entités astrales n'aimeront pas ça, être tassées. Et les entités astrales vont chercher, dans certains cas, à revenir à la tâche, amener la personne à travers la pensée infusée dans son mental à vibrer un sentiment de culpabilité, un sentiment d'impuissance. Et ça peut durer pendant un an, deux ans, en fait plusieurs années, tant qu'il y a une structure énergétique au niveau de l'astral planétaire, cette dernière va chercher à résister à la pénétration psychique de multiples individus aux quatre coins de la planète par l'énergie supramentale. Et tant qu'une structure énergétique astrale qui se rapporte à la Terre, tant que les gens qui touchent à une conscience supramentale vont vivre des oppositions. Moi, c'est sûr que tabarnak en tant qu'individu par rapport au changement énergétique que j'ai connu au fil des ans, ce que je peux vous dire, tabarnak, c'est que je suis toujours affecté par l'astral, en ce sens que l'astral, cette énergie qui cherche à m'empêcher de monter en vibration, qui me cherche à mettre dans un état d'impuissance, est toujours là pour me chercher à me déstabiliser. Et c'est tannant. Tu sais, au début, tu vas dire, c'est un bout de temps à faire, un peu comme un cours qui est plate, comme quelqu'un qui fait un cours de conduite automobile. On fait ça, c'est temporaire, on apprend à conduire. Mais non, Chris, l'astral... Ça, dans le fond, là, ça fait plusieurs années que je touche à une conscience. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Puis, dans le fond, moi, je parle de mon expérience. Que vous me croyez, que vous me croyez pas. En fait, je veux même pas que vous me croyez, Chris. C'est mon expérience que je partage à travers l'enregistrement. Moi, je sais ce que je vis par rapport à moi. Les changements énergétiques, je les connais de ce que j'ai vécu. Mais tout ce que je peux vous dire, qu'au fil des ans, puis ça fait plusieurs années, je vis toujours des oppositions. Puis je sens toujours que l'astral veut me récupérer. Donc, au début, je me dis, je vais m'élever vibratoirement, puis ça va être fini. Mais non, Chris, c'est tout le temps comme un ménage. Tu sais, le ménage, moi, j'aimerais bien ça, faire le ménage de mon logement, puis après ça, c'est fini. La paix, tabarnak, plus obligé de passer à mop, plus obligé de ramasser les ordures, la poussière sur le plancher. Mais non, tabarnak, c'est tout le temps à recommencer. Et c'est ça qui me crée une lourdeur énergétique, et c'est ça qui me crée de la frustration. C'est sûr qu'éventuellement, on aura des robots qui vont passer au sol. D'ailleurs, c'est déjà commencé avec certains appareils pour faire des tâches plus mécaniques que ramasser la poussière. Mais présentement, on n'a pas de robots. Et je pense pas qu'ils s'en développent non plus à court terme pour faire le ménage par rapport au plan l'astralité planétaire. Et le seul élément qui peut amener un ménage à l'égard de l'astralité planétaire, c'est un changement vibratoire de l'individu qui va générer une vibration qui, à l'image d'un soleil, va déloger l'astral qui ne pourra plus... adhérer. Donc, autrement dit, l'astral planétaire sur le plan énergétique va être brûlé par la force du rayonnement de l'esprit de l'individu qui aura connu l'initiation solaire. Et face à cette force psychique, eh bien, c'est sûr que les entités astrales vont trembler devant un tel individu en un sens qu'ils vont le craindre, alors que l'individu est amené à craindre l'astral à travers un jeu d'inversion et de manipulation. L'astral, en réalité, est plus faible que l'individu cosmique en devenir, mais pour garder l'individu petit, bien, on lui fait croire à travers la manipulation psychologique qu'il est faible, qu'il est vulnérable, que c'est un pauvre pêcheur, et tout récemment, c'est un pauvre pollueur, ou c'est un pauvre personne tout court. Hein, t'sais. On cherche tout le temps à le garder manipulé. Et on cherche à faire croire à des lions en devenir qu'ils sont de pauvres moutons, qu'ils doivent croire. Qu'est-ce qui est dit par les médias, par le gouvernement, par les personnes en autorité, par les gens de l'environnement, etc. Alors que l'individu qui vibre de son savoir, eh bien, il devient un électron libre dans le cosmos. Et c'est sûr que dans un sens, la manipulation astrale, bien qu'elle m'apparaît comme étant lourde, elle est temporaire à une échelle cosmique, en ce sens qu'éventuellement, au fil des prochaines années, tel un iceberg géant, eh bien, il va se mettre à fondre l'égrégore astral à mesure que des individus vont être pénétrés par l'énergie psychique de l'esprit. Et à ce moment-là, vont faire éclater des formes qui permettent à l'égrégore astral d'être en puissance. Mais tant qu'il n'y aura pas d'inversion dans le rapport de la psyché de l'individu entre l'influence de l'énergie astrale et l'énergie mentale, l'individu va demeurer soumis à l'énergie astrale. Et ce qui m'écœure par rapport à tout ça, tabarnak, c'est de réaliser que tout ce qu'une personne qui possède un trou vibratoire particulier peut dire va toujours, en fait, être retenu contre lui par les entités astrales qui gravitent autour des individus qui l'écoutent, en ce sens que, par exemple, quelqu'un peut écouter un enregistrement où il est question de conscience, et la personne, dans le fond, lorsqu'elle écoute de l'enregistrement, elle peut être mise en vibration pour entrer en résonance à travers les propos tenus par rapport à son propre esprit, qui est de nature solaire, à la manière de celui qui prononce les propos, car le semblable ne peut qu'être connu que par le semblable, et que pour entrer en résonance avec une vibration supramentale, c'est parce que quelque part, l'individu doit la porter, car sinon, cette vibration-là va lui créer un choc énergétique qui va être intolérable, car elle n'aura pas la capacité de contenir cette énergie sans être déstabilisée par elle. Donc, autrement dit, quelqu'un qui touche à de la vibration supramentale un peu, ben, à ce moment-là, va écouter des propos supramentales, peut trouver ça intéressant sur le coup. Puis, moindrement qu'il arrête d'écouter l'enregistrement, ben, l'astral va essayer de revenir au galop. Et si la personne n'a pas la force psychique, ben, ce qui va arriver, c'est que les entités astrales peuvent chercher à dire de la médisance à l'égard du communicateur supramental que la personne a écouté au préalable pour le discréditer, pour dire que la personne est astralisée, pour dire que la personne est récupérée par exemple, les forces pro-injection, que la personne est récupérée par les forces pro-gouvernement, que la personne est naïve, que la personne est ci, que la personne est ça. Pourquoi? Parce que, à quelque part, l'astral va toujours chercher à discréditer la personne qui va pouvoir générer une parole qui va amener une contestation de son règne. Car l'astral va chercher à se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, car l'astral, son instinct de survie est menacé par l'apparition des nouveaux initiés à la surface de l'humanité. Et c'est sûr que le mécanisme de défense de l'astral, c'est de discréditer toutes les personnes qui vont pas dans le sens de son narratif. Et ça, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe dans les médias de masse, puis qu'est-ce que fait le gouvernement. Donc, présentement, ce qui se passe depuis plusieurs mois, là, depuis le début de la crise sanitaire, c'est que toute personne qui va pas dans le sens du narratif officiel, qui est régi par les forces astrales, hein, soit dit en passant, en lien avec la crise, ben, est discrédité. Et c'est la même chose pour les nouveaux initiés. Inquiétez-vous pas que l'instruction supramentale, vous allez pas l'avoir dans vos médias de masse. En tout cas, pas pour l'instant. Puis si un jour il en parle, ça risque d'être déformé, on risque de la diaboliser pour accuser les gens qui la parlent d'être des gourous de secte. On va trouver probablement une façon là, de les discréditer, on va peut-être même trouver des scandales, etc. Pourquoi? Parce que l'astral va tout faire pour empêcher l'émergence à la surface du globe d'une vibration qui va l'invincer au pouvoir. Et c'est sûr que c'est le drame humain et c'est la guerre occulte. D'un côté, la vibration supramentale cherche à pousser au sein d'individus qui ont du potentiel, puis simultanément, l'astral cherche à étouffer ces individus-là. Autrement dit, je vais vous donner un exemple concret. Il y a des jeunes qui s'incarnent, en fait des esprits, devrais-je dire, qui s'incarnent à travers des enfants à l'époque actuelle, des jeunes enfants. Et pour empêcher le plein potentiel de ces enfants-là ou leur plein développement, ben qu'est-ce que fait l'astral? L'astral cherche à amener ces enfants-là à avoir peur, entre autres d'un virus, de se soumettre à un paquet de mesures, et de mettre en place des structures pour les limiter dans leur développement. Donc, c'est sûr que si un enfant qui aurait un potentiel d'ébranler des structures astrales, est mis en échec parce qu'on l'empêche de pratiquer le sport, parce qu'on l'empêche, dans le fond, de sortir à l'extérieur, de voir des amis, au cas où qu'il soit contaminé, etc. Bref, si l'enfant est isolé, puis l'enfant est limité, ben c'est sûr que l'enfant, s'il passe son temps à regarder des vidéos de violence à la télévision ou à jouer à des jeux vidéo ou ce qui va faire un paquet de meurtres dans des environnements virtuels de plus en plus réalistes, c'est sûr que cet enfant-là est alimenté par une soif astrale à travers une forme de consommation qu'il garde derrière l'écran. Et ça sert qui? Ben, ça sert à ceux qui cherchent à maintenir l'individu soumis à un système. Présentement, il y a des millions d'individus un peu partout dans le monde qui sont gardés limités dans leurs déplacements. On leur dit « Ah, ben tu pourras pas sortir du pays si t'es pas injecté. » Ensuite, ça prend, en plus du passeport régulier, ça prend un passeport sanitaire. Puis là, ça prend-ci. On cherche tout le temps à limiter l'individu avec des règles et des structures qui sont des formes. Donc, l'astral cherche, entre autres, à utiliser la forme. La haute astralité va dire « Ben, c'est pour bien faire. C'est pour empêcher la contamination. » Et c'est sûr que tout ça crée une forme d'étouffement, mais simultanément, l'énergie supramentale qui est active au sein de certains individus va amener les individus à voir clair par rapport à ce qui se passe, puis à monter en vibration, puis développer une créativité renouvelée pour faire face aux limitations contextuelles dans lesquelles ils se situent. Parce que plus qu'on va chercher à étouffer l'expression du plein potentiel de l'individu en mettant un paquet de règles puis de structures, et plus que simultanément et d'une manière paradoxale, si l'individu est marqué pour ça, eh bien, il va avoir un phénomène de révolte psychique contre l'astralité et d'expansion de conscience. Donc, plus qu'on cherche à le faire contracter en soumettant les structures des règles, un peu comme quelqu'un qui est sur le bord d'étouffer, qu'est-ce qui va arriver? Il va prendre un grand respire pour des raisons de survie. Et c'est sûr que par rapport à ça, l'esprit va s'activer au sein d'individus qui sont marqués pour la fusion et va enclencher chez lui une volonté de liberté. Et c'est sûr que plus qu'on est privé de nos libertés en tant qu'individu, et plus que simultanément l'esprit au sein de l'individu qui cherche à l'habiter, qui cherche à l'amener à avoir un taux vibratoire plus ajusté et à fusionner avec lui, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à le rendre comme lui, à son image. Tu sais, on dit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image. Ben Christ, l'esprit, c'est vous sur le plan énergétique qui a constitué vous en tant qu'ego. Et l'esprit qui pénètre l'ego, bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de restaurer sa psychique, la psyché de sa contrepartie terrestre, de qui, dans le fond, est le fruit de sa création, pour le rendre comme lui. Donc, plus que quelqu'un est pénétré par l'esprit, puis plus qu'il va chercher à être libre, puis à manifester un état de liberté psychique. Par contre, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va chercher à perturber l'ordre social, en ce sens que s'il est conscient que des gens ont besoin de porter le masque, ils ont besoin d'être injectés 2 doses, 3 doses maintenant, de plus en plus, là, ça va prendre peut-être 1/4, 1/5 dose, faire face au virus. Il va respecter tout ça, mais en même temps, il va être capable de contester ses atteintes, les atteintes qu'il subit à sa liberté propre. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est que moi, en tant qu'ego, ce que je veux vous partager, c'est que c'est très lourd pour moi de vivre sur Terre parce que je suis toujours confronté à l'astral, juste à sortir de chez moi. Puis, il y a toujours des gens qui, si je me promène sur la rue, qui vont vibrer à de l'astral. Ensuite, si je vais dans un restaurant, ensuite, tous les endroits, les films, dans le fond. Ensuite, il y a peu ou pas de beauté, tu sais. Vous allez au cinéma, vous allez ensuite écouter de la musique. C'est plate. Dans le fond, ce que je vous dirais, c'est que les nouveaux initiés sur Terre qui sont en contact avec une vibration supramentale, ont tout à mettre en place dans leur existence, ont tout à faire pour rayonner d'une énergie qui est en affinité avec leur statut psychique. Et c'est comme des bâtisseurs. Donc, moi, je me donne l'énergie qui me permet de me sentir bien dans ma peau. Là, aujourd'hui, je fais un enregistrement, ça me permet d'extérioriser certaines frustrations. J'en cache pas, je suis pas hypocrite par rapport à vous. Des fois, j'utilise des enregistrements pour neutraliser la peur. Ça m'en est, j'ai peur d'une injection, tabarnak. Je peux être capable de regarder vibratoirement qu'est-ce qu'il y en est vraiment par rapport à ça. Et c'est sûr que si je dis quelque chose qui va pas dans le sens du narratif officiel, il y a des gens qui vont être contents. Mais si je dis quelque chose qui va pas dans le sens du narratif alternatif ou des médias alternatifs, il y a d'autres personnes qui seront pas contents. Pourquoi? Ben, parce que on peut pas plaire à tout le monde. Puis la minute que quelqu'un est en relation avec une forme ou une idéologie, que ce soit officielle ou celle alternative, ben, ces gens-là vont tout le temps regarder les choses de polariser. Donc, si quelqu'un qui dit qu'il est pour une injection, ben ceux qui sont contre, ils vont dire « Ah, ben cette personne-là est astralisée. » Et si au contraire, la personne dit qu'elle est contre une injection alors que les médias de masse disent qu'il faut être pour, les gens vont dire dans les médias de masse que cette personne-là, c'est une insouciante, c'est une irresponsable et pas correcte. Donc, on va lui prêter aussi des intentions maléfiques. Fait que dans tous les cas, on peut tout le temps dire que quelqu'un est astralisé, mais pour savoir réellement si la personne est astralisée, c'est de regarder avec la vibration avec laquelle elle parle. C'est sûr que dans le passé, j'ai eu peur par rapport au virus, j'ai eu peur par rapport à l'injection. Je suis manipulé par l'astral, calice, comme la plupart des êtres humains sur Terre, tabarnak. J'essaie d'y voir clair en faisant des hosties d'enregistrement pour placer une vibration, parce qu'en parlant la parole à voix haute, hostie, ça permet de monter en vibration puis de sortir de la réflexion intellectualisée que je peux avoir en passant plusieurs heures consécutives à rester devant mon ordinateur puis de regarder qu'est-ce qui se passe sur Facebook puis sur YouTube, tabarnak. suis écœuré, Steve, de notre situation planétaire où on est tout le temps limité, on est tout le temps confronté à de l'astral, puis l'astral est tout le temps là, Steve. Je suis tanné, tabarnak de calice. Bon, c'est sûr que dans le fond, je suis pas le seul, là. Je suis pas stupide. Par contre, il y a une souffrance qui est présente lorsqu'on voit la manipulation qui s'opère. Donc, la manipulation médiatique qu'on voit présentement, en fait, est en continuité avec la manipulation médiatique qu'il y avait avant. C'est juste que là, les choses s'intensifient au nom de la crise. Et sinon, ben, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est que la liberté, c'est individuel. Et pour rester libre sur Terre, ça prend une force psychique de se maintenir dans l'état de la liberté et faire respecter son territoire psychique. Et ça, ça demande de l'effort et du travail. C'est sûr, moi, en tant qu'ego, avoir tout le temps recommencé un travail de nettoyage psychique sur moi, ou de neutraliser des vibrations astrales en entrant dans un état de colère supramentale pour déloger l'astralité, c'est-à-dire la peur, la culpabilisation que je peux absorber en écoutant un bulletin de nouvelles qui cherche à me dire « Ah ben, t'es pas correct si t'es pas injecté. T'es pas correct si tu penses pas comme nous autres. » Puis là, je suis obligé de monter en vibration en disant l'entité astrale derrière le journaliste qui sait même pas, tabarnak, qu'est-ce qu'il dit. Il sait même pas caler ce qui est manipulé malgré lui par l'astral. Donc, il est un pion inconscient de l'agenda astral. Donc, je suis obligé de parler à l'astral dans la tête du journaliste qui croit aller chercher des codes d'écoute puis faire le bien en disant aux gens là, comment penser. Je suis obligé de dire à l'entité astrale qui est derrière lui, « Fuck you, tabarnak, crisse-moi à paix. » Arrête de me dire quoi faire, arrête de me dire comment penser à ce petit tabarnak de calice. Je suis obligé de m'exprimer en m'adressant avec une certaine autorité derrière l'astralité. Puis je suis obligé, si moindrement, je vime un peu la culpabilité, je vime un peu à de la peur quand j'écoute le bulletin de nouvelles, de tasser ça. Puis en même temps, ben, ce qui m'écœure, c'est que je suis manipulé. C'est comme si on me tient d'une manière sadique avec les testicules d'une main en menaçant. Parce que les bulletins de nouvelles sur Terre sont des outils de propagande astrale. Je pense que vous l'aurez compris. Et on nous garde en otage psychiquement en ce sens qu'on nous dit « Ben là, si t'écoutes pas les bulletins de nouvelles, puis là, le couvre-feu tombe à 20h, ou s'il y a un autre confinement, ou si, ben là, ça te prend 3 doses pour le passeport sanitaire, ou si ça te prend 6, ça te prend 2 masques, tabarnak, pour entrer dans un commerce, ben là, t'es obligé d'avoir un peu d'informations. » Et cette information-là me pue au nez. C'est comme du caca. C'est comme à chaque fois que j'écoute un bulletin de nouvelles, je suis exposé un tas de marde nauséabonde. La vibration des gens est laide, des journalistes, des médias de masse, est écœurante dans le sens dégueulasse. Puis les politiciens, ben, est pas mieux. Quand je regarde les politiciens, là, c'est pas beau ce qu'ils dégagent. Puis moi, ce qui m'écœure dans cette histoire-là, c'est quand que je vois par en dedans, puis là, je demande à l'esprit, il dit « Tabarnak, vous pouvez pas mettre du monde plus intelligent que ça au pouvoir? » Puis là, ça me répond « C'est pas le temps. » Puis là, ça va me dire « Ben là, ils font la job selon leur capacité. » Tu sais, tu peux pas, dans le fond, chialer si quelqu'un il en fait pas plus parce qu'il a pas les capacités. Il faut que tu sois humain. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui peut pas soulever 200 livres avec une barre au bench press. Mais là, tabarnak, s'il en saoule, il soulève 100 livres, tu peux pas, tu peux pas le critiquer parce qu'il a pas la capacité de contenir plus d'énergie. C'est tout, tabarnak. Donc, c'est sûr qu'en tant que peuple, le peuple québécois, les politiciens qui est en affinité avec ses vibrations. Mais moi, Christ, si ma vibration change, sans qu'en tant qu'égo, subjectivement, je l'ai voulu, ben moi, ça me fait chier en esti. C'est sûr que ça va me répondre intérieurement qu'avant mon incarnation, je l'avais décidé de vivre ce changement-là vibratoire. Mais une fois en situation, j'aimerais ça, ne pas souffrir ce changement-là vibratoire. Donc, c'est ça le point, tabarnak. C'est que je souffre beaucoup. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'écoutent qui souffrent. Donc, c'est sûr que je vous salue en particulier. Puis, je vois pas de solution miracle. Esti, il y a 10 ans, je vivais des oppositions énergétiques très fortes contre l'astral. Il y a 5 ans, il y a 2 ans. Puis, probablement que ça va être la même chose dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Puis, on en a encore pour un esti bout de temps parce que l'égrégore astral est encore en puissance pour plusieurs décennies, pour plusieurs siècles en relation avec la Terre. Donc, c'est très long. Donc, la Terre va rester un esti dépotoir avec plein d'astralité encore dans les prochaines années. Et c'est sûr que ça m'écœure. C'est sûr que d'un côté, en tant qu'esprit, bien, c'est tout le temps une question de perspective. Moi, en tant qu'ego qui parle de la perspective d'être au monde à travers un corps, un être dans un corps physique, dans un contexte québécois, hostie que ça m'écœure, hostie que ça me fait chier, qu'est-ce qui se passe présentement sur Terre. C'est pas juste la crise. Même avant la crise, j'étais sous tension. Là, la crise me met plus en tension. Donc, elle met plus en crise. Fait que là, si je suis plus en crise, le crise intérieur, ben, à ce moment-là, il peut s'allumer. Puis à ce moment-là, ben, je peux réunir une énergie qui est plus forte dans ma parole. C'est sûr que ça peut être une opportunité de canaliser un potentiel vibratoire qui pouvait être en latence jusqu'à ce moment-là. Puis ça peut être pour plusieurs individus sur Terre simultanément. Et à ce moment-là, ben ça peut créer des synergies éventuellement vibratoires, mais là, on voit que c'est pas ça. En 2021, il y a un petit peu d'individus qui parlent sur Internet, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis ça n'a pas l'air de partir pour beaucoup. Puis les gens, ben oui, Chris, si le peuple québécois tabarnak, il veut être injecté 2 doses, 3 doses, 5 doses tabarnak, ces astuces d'affaires, moi, ça m'intéresse pas, cette petite manipulation-là de marde. De tout le temps forcer les gens à se soumettre à des mesures, puis à du contrôle, puis les gens croient bien faire. Ah, c'est-tu que c'est révoltant de voir tout ce qui se passe sur Terre? Puis, dans le fond, c'est tout le temps le collectif qui cherche à récupérer l'individu, et souvent, en étant un peuple civilisé, on va dire « Ah, c'est pour bien faire, c'est pour des motifs spirituels. » Mais c'est tout le temps à regarder, est-ce que c'est fondé vibratoirement, puis c'est quoi la vibration qui est derrière? Donc, c'est sûr que le gouvernement québécois là, qui cherche à imposer plein de mesures puis dire on fait ça pour le bien, ben il domine. Et il est récupéré par l'astral, et comme les gens sont inconscients, ben ils peuvent pas faire autrement qu'être récupérés par l'astral, parce que les gens qui présentement sont au pouvoir n'ont pas d'identité cosmique réelle, car s'il y aurait une identité cosmique réelle, ils ne pourraient pas travailler main à main avec l'agenda astral. Donc, probablement que ces gens-là, ils seraient obligés de quitter le secteur de la politique parce que leur taux vibratoire serait trop élevé. Mais là, à ce moment-là, si ces gens-là quittent le secteur de la politique, ça ne permet pas de rehausser le niveau vibratoire des politiciens et d'amener un changement significatif qui va amener les gens à sortir de l'astral. Et là, ce que ça me répond, ce qui est intéressant, c'est que des gens soient un petit peu moins astralisés que la population en général gouverne la société. Mais en même temps, si les gens sont très loin de l'astralité, ils ne seront pas intéressés à des questions planétaires parce qu'ils vont vibrer d'un mental cosmique. Et pour que les gens s'occupent de politique planétaire, il faut qu'ils soient en affinité psychique à un certain niveau avec l'agenda astral, car quelqu'un ne peut pas être au service d'un collectif en tant que politicien s'il n'a pas une forme de haute astralité, parce que l'individu qui vit d'une conscience supramentale est en premier lieu au service de lui-même. C'est sûr qu'il peut collaborer avec d'autres personnes pour mettre en place des synergies, voire éventuellement la régence planétaire, mais en même temps, la régence planétaire ne pourra pas prendre forme tant qu'il n'y aura pas une masse critique d'individus qui vit d'une conscience supramentale à l'échelle de la Terre. Et à ce moment-là, ça va être dans le temps de l'esprit. Et ça, c'est un autre aspect qui m'écœure avec la conscience supramentale. C'est que c'est pas moi qui décide c'est quand que ça va se manifester dans le collectif et que des choses nécessaires. Autrement dit, là, si c'est nécessaire, par exemple, pour qu'une collectivité évolue, qu'il y ait, je sais pas moi, des centaines de personnes qui développent des problèmes très graves de santé suite à l'absorption d'une substance, parce qu'ils n'ont pas une capacité de transmutation de la substance ou, comment dire, ils n'ont pas la santé suffisamment grande, tout simplement pour faire face à la substance. La personne n'est pas obligée d'avoir un potentiel de guérisseur. Si la personne, dans le fond, est déjà fragilisée, elle absorbe une substance puis ça la rend plus malade, bon, ben si ça amène la personne à se conscientiser, au niveau de l'esprit, c'est intelligent. Puis au niveau de l'esprit, dans un sens, c'est intelligent qu'il y ait une forme de domination qui s'opère à travers les gouvernements, parce que ça peut amener les gens qui subissent cette forme-là de domination de modifier leur état psychique et de les mettre en vibration pour entrer dans un état de contestation, de remise en question et d'individuation plus grande. Car l'individu, lorsqu'il ne souffre pas, il ne pensera pas à s'individualiser et se démarquer du collectif et voire même de s'en détacher. Donc, autrement dit, l'autonomie psychique ne peut se développer que dans un état d'inconfort par rapport à un état d'affiliation avec le collectif. Donc, si la personne est bien avec le collectif, pourquoi s'en séparer? Pourquoi chercher à développer une identité propre? Donc, c'est à travers la souffrance initiatique qui se rapporte à l'individuation que l'individu va monter en vibration. Donc, autrement dit, dans certains cas, le fait de souffrir d'une collectivité peut amener des gens à monter en vibration. Par contre, si la personne n'est pas pénétrée simultanément par l'esprit, elle ne peut pas développer un sens de l'identité propre qui est de nature vibratoire associée à une vibration supramentale et éventuellement une conscience qui est parfaitement ajustée. Ce qui va faire en sorte que la personne, si elle souffre alors qu'elle est soumise à l'astral, ben, elle va être, dans le fond, gardée dans un état de souffrance qu'elle ne pourra pas s'esquiver car elle n'aura pas l'intelligence créative pour faire face intelligemment à la souffrance et avoir une capacité de renouvellement qui va lui amener à neutraliser l'obstacle existentiel que représente la souffrance. Mais pour développer la capacité d'intelligence créative, il faut qu'elle subisse une descente d'énergie en relation avec une mise à vibration qui va se faire de manière synchronisée par rapport à des oppositions. Donc, autrement dit, la personne qui est inconsciente, qui vit de la souffrance et qui n'a pas le potentiel de passer à l'inconscience, ben, elle souffre. Mais cette souffrance-là, au niveau vécu psychologique, n'est pas convertie en souffrance psychique associée à des ajustements vibratoires qui vont permettre, par exemple, à la personne de manifester une parole vibratoire. C'est sûr que dans un sens, la parole présente qui est manifestée lorsque l'individu va être capable de parler de la nature de la souffrance et de la dévoiler au grand jour dans sa conscience, peut être porteuse de compréhension d'un savoir qui est relatif à elle, voire même de moyens d'y mettre fin. Et l'un des moyens de mettre fin à la souffrance, c'est d'installer une volonté ferme d'être bien dans sa peau. Et c'est sûr que moi, en tant qu'individu, ça fait des mois, les gens qui écoutent mes enregistrements, tabarnak, écoutez, ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs des mois, que j'essaie de me sortir de la style d'astralité planétaire en manifestant une parole qui a une force de percussion, puis de m'installer dans une vibration dans l'optique de ne plus être ébranlé par l'astral, mais je vis tout le temps des oppositions, et c'est tannant. Et c'est toujours à refaire. C'est comme le ménage de mon logement. C'est sûr qu'il y a façon d'être efficace pour faire le ménage. Ben oui, même chose pour l'utilisation de la parole vibratoire, même chose par rapport aux interactions avec les gens dans l'environnement. Mais en même temps, Chris, il y a toujours de l'astralité sur la Terre et c'est lassant. C'est lassant. C'est tout le temps à refaire. C'est sûr que ma force de contestation est tout le temps là. Puis il y a des périodes, c'est sûr, vous écoutez mes enregistrements, il y a des gens qui vont dire, ben là, dans tes enregistrements, à telle place, là, t'es pas ajusté, tu vibres à la peur. Ben oui, Chris, ça m'arrive de vibrer à la peur. Je suis un être humain, puis je suis manipulé comme beaucoup d'entre vous par l'astral. C'est tout à fait normal. Et à un autre moment donné, ah ben là, à telle place, t'es plus ajusté. C'est intéressant. Puis là, il y a des gens qui vont me faire des commentaires. Puis là, tabarnak. Là, c'est sûr qu'il y a des gens, là, je vais avoir dit gros comme un bras en début d'enregistrement, là, les gens spirituels, écoutez pas l'enregistrement à présent, puis je suis pas mal sûr qu'il y en a qui ont continué à écouter, puis ils vont dire, t'utilises pas des beaux mots, mais je vais leur dire, tabarnak, si vous voulez monter en conscience supramentale, ça vous prend un vocabulaire de pouvoir qui est constitué des jurons québécois. Donc, le prêt à payer pour vivre dans un environnement comme le Québec, c'est le style de vocabulaire de pouvoir. À un moment donné, Chris, faut que ça nous apporte quelque chose. D'endurer des hivers, endurer ensuite une population qui est régie par la peur, le contrôle social, puis ça, c'est avant la crise. Nous autres, un peu comme la France, on est un endroit qui est à gauche. Donc, la gauche, c'est quoi? C'est que le gouvernement contrôle. On aime ça, payer des taxes sur l'essence. On paye la TVQ, on paye la TPS, on paye la taxe sur l'essence. Il y a des taxes sur les taxes. Quand le taxe sur le carburant, la taxe de ci, la taxe de... Ah, on aime ça, tabarnak, c'ti. À être contrôlé au Québec, hostie qu'on aime ça. Mais oui, c'est ça le karma québécois, le contrôle social est à gauche. Puis là, pendant que je vous parle, ben des fois, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe en Floride. Eux autres, ça fait des mois, tabarnak, hostie, il n'y a plus de mesure qui est mise en place, pas de distanciation physique, pas de port du masque, pas d'injection obligatoire pour la population en général. Mais non. Puis... ces gens-là, tabarnak, ils meurent pas. Dans le sens que l'ensemble de la population, il n'y a pas ces mesures-là qui sont mises en place. Puis à ma connaissance, bien, la Floride, présentement, là, il n'y a pas des gens qui meurent au coin de rue. Si vous voulez que je vous dise, selon les informations que je dispose, là, la population de la Floride n'a pas disparu suite au virus. C'est drôle, hein? Eux autres, non. Eux autres, c'est pas pareil. Ben oui, eux autres sont aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi? C'est des gens qui se sont révoltés contre la domination de l'Angleterre pour avoir leur indépendance. Donc, il y a eu la guerre d'indépendance. Donc, au lieu d'être soumis à l'égrégore de l'Angleterre, sa structure, les gens ont déclaré l'indépendance puis l'importance du principe de la liberté. Et les gens qui voulaient rester loyaux à la reine d'Angleterre, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont immigré vers le nord puis ils ont été au Canada, donc les loyalistes. Donc, au Canada, on est les successeurs des gens là, qui aiment se prosterner devant la reine. Au Québec, on a la lieutenant-gouverneure qui est la représentante de la reine. On a des gens qui sont là. Le Canada, on est quoi? On est une monarchie constitutionnelle. Donc, on est soumis, là. C'est sûr que les gens vont dire « Ah, ben c'est symbolique. » Oui, mais le symbole, à un moment donné, il faut que ça prenne fin. Moi, c'est sûr qu'idéalement, je souhaiterais que le Canada ou le Québec, on soit, dans le fond, un pays indépendant comme les États-Unis. Donc, c'est sûr que les États-Unis, ce qui m'amène à me grouiller le cul, tabarnak, pour parler en anglais, pour faire des cours d'anglais, c'est, à quelque part, le fait que lorsque j'écoute des films en anglais, c'est ces valeurs-là de la liberté qui, dans un sens, me font vibrer. C'est sûr que les films sont astralisés. Mais le message des films américains que j'aime écouter en anglais, ben c'est ça, la notion de liberté, pas la notion de soumission à la reine puis à l'astral, parce que derrière toute la structure hiérarchique astrale, ben c'est quoi? C'est des égrégores, puis derrière la royauté, ben c'est l'astral, puis derrière toutes les règles puis les structures qu'on a au Québec, moi en France, c'est très rempli de lois là, comme nous autres là. Bon ben c'est toujours cette volonté là de contrôle, de se soumettre à une idéologie politique collectiviste. C'est sûr qu'il y a des avantages au collectivisme, le filet social, mais en même temps il y a beaucoup d'inconvénients. Et c'est sûr que dans le fond, oui, je vous l'avoue. Là, écrivez-moi pas pour me dire que je suis envieux des Américains. Oui, je vous l'avoue, je suis envieux des gens en Floride. La température est plus clémente qu'ici. Il fait chaud. Ensuite, je suis envieux de leur liberté présentement qu'ils ont, ces gens-là. Ben oui, je l'avoue. Je suis transparent avec vous. Je suis un égo envieux. Ben oui, ce que vous voulez que je vous dise. Mais je suis pogné à vivre au Québec, puis dans le foie. Hostie, c'est la vie, hein? On peut pas tous être dans le sud. Puis même si j'étais dans le sud, je serais pas nécessairement plus heureux parce que j'aurais pas nécessairement autant d'interlocuteurs au niveau vibratoire. J'en ai quelques-uns, là, j'en ai pas des milliers dans ma vie, là, faut s'entendre. Mais ce que ça me dit intérieurement, c'est que vous en avez suffisamment par rapport à la nature de la parole que vous avez véhiculée à travers vos enregistrements. Et bon, OK, c'est sûr que ça sert. Mais c'est ça, tu veux me poser la question. Toi, qu'est-ce que tu veux en tant qu'ego? Est-ce que c'est d'être dans le froid ou dans le chaud? C'est d'être dans le chaud, puis idéalement avoir les interlocuteurs. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, avec Internet, parce que les gens avec qui je parle, c'est essentiellement sur Internet, ben ça pourrait se faire très bien à partir de la Floride. Je pourrais être à Daytona Beach avec les pieds dans l'eau, puis parler avec des gens de conscience, puis m'occuper de gérer mon compte YouTube ou Facebook. Pourquoi pas? Peut-être un jour, je vais le faire. Mais ça risque pas d'être demain matin, parce que c'est sûr que d'avoir accès à la citoyenneté américaine, c'est pas évident. Mais c'est ça. De toute façon, ce que ça me dit, bon, je vais arrêter de parler parce que je parle pour rien dire. Des fois, la parole, elle se défait aussi. Tu sais, dans le sens que, dans le fond, fondamentalement, des fois, j'ai des petits pics de colère. Des fois, je suis un petit peu envieux. Puis là, quand je vois par en dedans, ben là, j'ai à être ici. Fait que là, il faut que je sois ici. Fait que là, je reste ici au Québec. C'est comme un destin, c'est ça, c'est ma vie. Fait que bon, les gens vont me trouver bizarre parce que je chiale, puis à un moment donné, ça se défait, mais c'est ça la parole. La parole sert à faire des ajustements. Moi, ça m'est arrivé à plein de fois que je discute avec ma compagne ou des gens de mon environnement. Je commence à dire quelque chose, puis je finis pas la phrase parce que finalement, je dis « Ah non, c'est pas ça ». Fait que c'était à l'affaire, fait que là, je suis obligé de me réajuster. Fait que ce que ça me dit intérieurement, c'est d'être patient par rapport au Québec. Ça me dit pas avoir de l'espoir, ça me dit d'être patient parce que le destin du peuple québécois, c'est éventuellement de passer à la conscience. Et c'est un des peuples qui va passer plus rapidement à la conscience compte tenu de la nature, de la souffrance qu'il a vécue sur le plan historique et le fait que c'est un peuple jeune. Donc on peut comparer, autrement dit, le Québec à un jeune enfant qui souffre à le martyr, tabarnak. Un enfant qui est martyrisé. Un enfant qui est torturé par différentes mesures. un enfant qu'on empêche de respirer. C'est sûr que si on compare l'enfant, le Québec, sur le sens symbolique, un enfant qui est maltraité, qui est gardé pauvre, parce que ici au Québec, on est limité, hein? Le fait qu'on parle français, ben on est gardé captif. Donc, il n'y a pas besoin de garde armée avec des mitraillettes qui vont être à la frontière du Québec pour nous empêcher d'aller dans le reste du Canada, aux États-Unis. On n'est pas comme lorsqu'il y avait l'Allemagne du Sud, l'Allemagne de l'Est, pardon, et l'Allemagne du Nord. Bon, ben ceux qui étaient dans la zone communiste, qui avaient un niveau de vie moins grand que ceux de la zone capitaliste de l'Allemagne pendant la guerre froide et la période de l'URSS, donc la partie qui était communiste de l'Allemagne, des gens avaient un niveau de vie moins élevé et là, on les empêchait de sortir. Puis là, il y avait des clôtures. Donc, en particulier, là, si on pense à Berlin, donc il était limité. Il y avait des points de contrôle avec des gardes armées. Nous autres, on n'a pas besoin de ça ici au Québec. On n'est pas comme en Corée du Nord puis la Corée du Sud avec les gardes armées à la frontière. Non, non. Ce qui nous empêche de sortir ou qu'une limite, ben c'est le fait qu'on ne maîtrise pas la langue anglaise d'une manière adéquate. C'est sûr qu'on peut avoir des cours là, lorsqu'on est jeune en anglais ici, mais les cours ne sont pas suffisamment développés pour être parfaitement bilingue puis être capable de parler adéquatement la langue anglaise pour aller aux États-Unis. Donc, c'est sûr que moi, je fais des cours d'anglais pour essayer de me garder à jour, mais ça ne me permettrait pas, par exemple, de donner des conférences en anglais parce que la maîtrise de la langue n'est pas assez développée. Je peux dire quelques mots en anglais, je peux me débrouiller si je parle avec quelqu'un, mais je suis gardé limité. Puis la façon de penser en français puis en anglais n'est pas pareille, la façon de formuler des phrases également. Donc, c'est tout ça, les langues aussi, c'est un aspect qui nous divise. Autrement dit, si on fonctionnait à partir d'une conscience vibratoire, il n'y a plus de barrière de la langue, parce que on communique psychiquement avec la personne devant laquelle on est, comme par exemple des extraterrestres qui vont pratiquer des inductions hypnotiques chez des individus qu'ils vont maîtriser lorsqu'ils ont une incidence psychique sur eux. Les extraterrestres peuvent communiquer psychiquement par rapport à quelqu'un en lui acheminant directement dans sa psyché des idées. Un être humain conscient pourrait faire la même chose, sauf que l'être humain qui est fusionné avec l'esprit n'utiliserait pas cette capacité d'une manière malveillante à l'image des extraterrestres pour effectuer de la domination et hypnotiser des gens en vue des amener à procéder à des expériences malgré eux en tant qu'égo conscient qu'ils accepteraient jamais. Mais par rapport au phénomène extraterrestre, il faut néanmoins réaliser que si un individu est amené en bord d'une soucoupe volante ou d'un objet volant non identifié, malgré lui, c'est que sa contrepartie cosmique le laisse faire cette activité. Car si l'esprit d'un être humain, dans le fond, serait en désaccord avec l'extraterrestre, ben, l'esprit chercherait à intervenir pour neutraliser la consigne induite dans la psyché de l'individu d'être docile par rapport à l'extraterrestre et de se soumettre à ses consignes et suggestions hypnotiques. Donc, autrement dit, ici, ce que c'est intéressant, ce que ça me dit, c'est que l'esprit... Attends une minute. C'est intéressant parce que là, je suis comme entre deux choses, là. Puis là, je réfléchis, mais il ne faut pas que je réfléchisse. Puis là, la réponse va peut-être me surprendre. Ce que ça me dit, vous voyez où j'hésite là? Là, je peux me faire me récupérer par l'astral. Bon, c'est quoi que ça me dit par rapport à ça? L'esprit va consentir à ce que des individus soient amenés dans des vaisseaux extraterrestres pour procéder à des expériences dans un sens. Mais en même temps, lorsque l'esprit pénètre plus l'individu, c'est intéressant parce que si l'individu a participé à des expériences avec des extraterrestres, au lieu d'être hypnotisé puis l'ego réagisse parce qu'il est sous influence astrale, parce qu'il a peur, ben, l'ego, s'il est pleinement conscient puis il a participé à des expériences avec des extraterrestres et qu'il est marqué vibratoirement par rapport à ça, il va collaborer avec les extraterrestres. Par contre, si les extraterrestres sont sous influence astrale et que l'esprit cherche à neutraliser l'astralité en relation avec les extraterrestres ou leur esprit de domination, Donc, je dis influence astrale, mais c'est pas tout à fait juste, car si les extraterrestres proviennent d'autres planètes, ça sera pas en relation avec l'astralité planétaire, mais ça peut être en relation avec une nature énergétique qui a un différentiel par rapport à celle de l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'est pas en harmonie de manière totale. Autrement dit, ces extraterrestres violent des règles de la vie en cherchant à manipuler une personne et que la personne, dans le fond, est en fusion avec l'esprit, la personne va créer une opposition psychique par rapport à l'extraterrestre qui va faire en sorte qu'elle ne sera pas hypnotisée par eux. Elle va être supportée vibratoirement par l'esprit. Mais si l'individu n'est pas fusionné, puis les extraterrestres violent les lois de l'esprit, ben à ce moment-là, l'esprit ne peut pas chercher à s'extérioriser à travers l'individu parce que l'individu est soumis à l'astral. Et là, l'individu est manipulé malgré lui. Ce qui m'amène à vous dire qu'il y a des gens qui sont inconscients, mais que l'esprit est intéressé à ce que ces contreparties terrestres 2 participent à des agendas en lien avec les extraterrestres parce que l'esprit peut être en contact avec l'esprit des extraterrestres qui, dans certains cas, peut donner place à des expériences de nature créative qui sont en relation avec l'agenda spécifique de l'esprit. Mais si l'agenda d'extraterrestre n'est pas en affinité, ou des extraterrestres, devrais-je dire, en affinité avec l'agenda de l'individu en tant qu'esprit, ben à ce moment-là, il faudrait que l'individu s'y oppose, mais si l'individu n'a pas la force mentale de s'y opposer parce qu'il n'est pas capable de supporter l'énergie de l'esprit d'une manière adéquate, ben à ce moment-là, la personne est dans le marde et la personne subit ça, est dans le pétrin. Donc, c'est ça que je voulais mentionner là, par rapport à ça. Mais le point, c'est que je veux pas être un cobaye des extraterrestres. Je veux pas être un cobaye, un rat de laboratoire de Big Pharma auquel on injecte n'importe quoi. Et moi, dans le fond, ma volonté vibratoire que j'exprime dans le micro pour que ça rentre en résonance avec l'éther de la Terre, c'est de marquer dans la structure énergétique terrestre que, à quelque part, un individu a pris la parole sur Internet pour dire « Tabarnak, on vit dans un style monde de merde », puis de contester ça. Ma volonté, c'est pas de changer la société. Je suis pas un sauveur, je suis pas Jésus, je suis pas le Messie. Par contre, je vais être bien dans ma peau. Puis là, on va voir ce qui va arriver dans les prochaines heures. Parce que là, l'objectif de l'enregistrement, c'était de manifester une vibration pour contester la souffrance relative qui est corollaire au fait que je suis impliqué, malgré moi, dans une guerre occulte. Pour contester l'esprit qui m'amène à vivre ça, puis à quelque part, l'esprit, c'est moi-même, puis plus que je fusionne, plus que je réalise qu'à quelque part, c'est intelligent que je sois exposé dans une guerre occulte parce que ça m'amène à monter en vibration et à me réapproprier l'essentiel de mon énergie psychique impersonnelle. Ben oui, ça a ça comme fonction. Puis c'est sûr qu'en parlant à voix haute, ça peut défaire l'astralité qui pouvait chercher en moi à m'amener à vouloir contester l'astralité en un sens que de croire que à quelque part, j'étais victime d'un scénario. Mais lorsque je réalise que le scénario peut me servir dans la mesure que je suis capable de composer avec les tensions énergétiques relatives aux oppositions que je vis dans le quotidien, aux frustrations quotidiennes, comme tantôt, tabarnak, j'ai été mettre de l'essence à une station-service, c'est rendu à 1,54$. Mais là, il augmente tout le temps le baril. Puis c'est drôle, hein, Chris, l'essence, ça fait des années que c'est utilisé, puis ça fait des années qu'on nous parle d'auto électrique, de ci, de ça. Puis finalement, on n'a jamais d'alternative. Et ça, c'est un point qui me contrarie. Ça fait des années, on écoute des documentaires là, sur Nikola Tesla, sur l'énergie libre, sur les extraterrestres. Eux autres, Chris, comme je disais tantôt, ils n'ont aucun problème de par rapport à l'augmentation du coût de l'essence, ils ne l'utilisent pas. L'énergie est abondante partout. Puis pendant ce temps-là, tu as du monde qui vont crever de faim en Afrique, qui vit des situations de pauvreté abominables. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables d'aller puiser l'énergie dans le cosmos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de contenir l'énergie, puis ils sont pas fusionnés avec l'esprit qui leur donnerait la capacité de contenance. Mais là, la personne peut pas fusionner si elle a pas les corps développés au préalable. Et pour développer les corps développés au préalable nécessaires pour cela, la personne doit vivre des oppositions pour monter en puissance, pour avoir la puissance de supporter l'énergie de l'esprit qui est extrêmement puissante. Fait que tout a une fonction, tout a une utilité, mais quand que je regarde ce qui se passe sur la Terre, c'est écœurant. Tu sais, c'est comme, par exemple, la personne qui se promène dans une barque sur l'eau et la personne meurt de soif alors qu'en réalité, il y a de l'eau partout. Mais c'est parce qu'elle n'est pas capable de s'alimenter de l'eau ou on ne lui donne pas l'idée dans la tête parce qu'on part du principe, la pensée vient d'ailleurs, qu'en dehors de la barque, là, il y a plein d'eau partout. La personne est sur l'océan puis elle va mourir de soif parce qu'elle n'est pas capable de puiser l'eau qui est là. C'est sûr, vous allez me dire, ben là, l'exemple, l'océan, c'est de l'eau salée. Oui, mais si la personne a la capacité d'extraire puis de séparer le sel de l'eau, ben, elle pourrait utiliser ça pour s'alimenter, puis la quantité est incroyable. Donc, la notion de rareté d'énergie, puis nous culpabiliser avec ça que la religion verte, c'est une manipulation de l'astral, parce que la vérité, la réalité, en fait, devrais-je dire, pour me réajuster, parce que la parole est auto-ajustatrice, c'est que l'énergie est infinie. Votre être est infini. L'esprit, c'est infini, tabarnak. Le cosmos est infini. Fait qu'on peut puiser à l'infini de l'énergie dans l'infini. Puis si tu divises l'infini par l'infini, tu as toujours l'infini. Mais nous autres, on est trop stupides pour réaliser ça sur Terre. Fait qu'on n'a pas accès à l'énergie libre. On n'a pas accès à des technologies comme les extraterrestres qui nous permettraient de déplacer un peu partout dans le cosmos. Parlant des extraterrestres, je voulais le faire au moins une fois dans ma vie, répondre à la fameuse question. C'est-à-dire que si un jour on pose la question par rapport à une extraterrestre, donc qu'est-ce qu'on retrouverait sur le tableau de bord de la soucoupe volante ou de l'objet volant qu'ils utilisent pour se déplacer? Donc, si on pose la question, est-ce que sur le tableau de bord là, à l'intérieur d'un ovni, ça serait quoi qu'on verrait apparaître? Bien, la réponse, c'est pas des boutons, tabarnak, qui arrêtent sur le tableau de bord, c'est pas des boutons carrés, des boutons ronds, ça serait une projection de technologie avec nos petits avions puis nos petites fusées, puis nos petites capsules de la NASA, là. Non, non, Chris, ce qu'il y aurait à l'intérieur d'une soucoupe volante, je vais vous le dire, c'est rien, tabarnak, c'est ça la réponse à l'énigme. Donc, les gens, si on leur dit, ah, c'est quoi le tableau de bord, il y en a qui vont dire, ah, des boutons carrés, des boutons ronds, ça va être, ils vont faire de la projection. Non, non, non, il n'y a rien. L'extraterrestre contrôle le véhicule avec lequel il se déplace avec son esprit. Puis ça, c'est un être qui n'est pas tellement évolué parce qu'il a besoin d'une coque protectrice pour se déplacer d'un point A à un point B. Puis un être qui est plus évolué, il se déplace sur le plan de l'énergie pure, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas besoin de coque pour protéger l'intégrité d'un corps biologique au niveau de la densité physique. Si l'être se déplace en tant qu'énergie pure, à ce moment-là, il n'a pas besoin, un peu comme une carapace pour, si on prend un homard ou un Bernard l'arbitre, pour se protéger des conditions ambiantes. La soucoupe extraterrestre ou le véhicule cherche à protéger l'être qui se déplace d'un point A à un point B dans le cosmos pour protéger par rapport à certains éléments. Mais Chris, la personne n'est pas menacée par les éléments relatifs à la forme parce que la personne n'utilise pas une forme finie pour se déplacer. Puis elle procède tout simplement à partir de la projection de l'énergie pure. L'énergie pure ne peut pas être impactée négativement par la forme parce que l'énergie est au-delà de la forme. Donc, autrement dit, on n'a pas besoin d'une coque pour se protéger par rapport à la forme, parce que on n'est pas une forme qui peut être entrechoquée par une autre forme. Donc, si on est de la vibration, la seule chose qui peut nous impacter, c'est une entrée d'une énergie vibratoire adverse à la nôtre qui a un taux vibratoire égal ou supérieur à la nôtre. Donc, autrement dit, si la personne vibre à l'esprit, quand même que l'astral cherchera à le manipuler, si la personne est capable de se maintenir dans ce feu-là, ben, l'astral n'a aucune ascendance sur l'individu, elle ne peut pas le dominer parce que l'astralité a un taux vibratoire qui est plus bas que celle de l'esprit et l'univers dans lequel nous vivons est constitué de lois d'énergie. Donc, si on comprend les lois d'énergie et on réalise qu'une vibration est plus haute qu'une autre, ben on se maintient dans la vibration qui est plus haute. C'est sûr que c'est facile à dire parce que c'est difficile pour un être humain de se maintenir continuellement dans la vibration de l'esprit parce que ça dépend de sa capacité de contenance. Plus que la capacité de contenance de l'être humain est développée et plus que ça peut se maintenir vibratoirement longtemps dans la vibration de l'esprit et plus qu'il peut la communiquer pendant une longue période de temps également au micro. Mais si son taux vibratoire est faible ou est peu développé, ben à ce moment-là, il ne pourra pas se maintenir longtemps là-dessus. T'es quelqu'un qui se développe un peu en conscience vibratoire, il y a un petit peu de contenance. Ah, il ne va pas écouter un enregistrement qui parle de conscience pendant 10 minutes. Ensuite, 20 minutes, une heure. Ensuite, ça va être 2 heures. Puis à un moment donné, s'il vit dans une conscience continue liée à l'esprit, ça va être d'une manière totale. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que la relativité de son corps biologique, les perturbations auxquels il était exposé dans l'environnement vont lui créer des oppositions. Même quelqu'un qui vibre beaucoup à de l'esprit, ben si la personne n'est pas en état de colère mentale puis est moindrement fatiguée ou molle, ben l'astral peut chercher à rentrer. La personne est fatiguée, il peut avoir un petit peu plus de pensées anxieuses, de pensées dépressives. Puis là, il faut tout le temps qu'elle remonte en vibration pour sortir de ça. Et c'est tout le temps le volet que c'est à refaire qui m'écœure. C'est sûr que ça me permet de faire plusieurs centaines d'enregistrements sur le web pour tout le temps me régénérer dans ma parole. Mais Chris, ça me demande l'hostie d'énergie. Hostie, que c'est plate quelque part en tant qu'ego, parce que c'est tout le temps comme refaire le ménage du logement pour remettre de la propreté. Là, ça fait plusieurs fois que je répète le même exemple. C'est signe qu'il va falloir que je complète l'enregistrement. Fait que les gens là qui ont écouté l'enregistrement jusqu'ici, là, puis qui ont bénéficié de la vibration, ben, vous êtes fortement invité à faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. Vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement présent. Donc, si les gens apprécient ça, que je leur parle avec une vibration comme ça, ben, vous êtes les bienvenus pour me soutenir à ce niveau-là. C'est-à-dire procéder à un échange d'énergie, étant donné que je vous ai fait bénéficier de l'énergie de ma parole dans le cadre de cet enregistrement à un certain niveau. Donc, si vous aimez vibrer à du feu, ben, si vous voulez nourrir le feu à quelque part de ma parole, de mon intensité, ben, vous pouvez me soutenir dans mon mouvement en me faisant parvenir contribution financière. Donc, pour les gens qui l'ont fait dans le passé, ben, je vous salue en particulier, je vous remercie. Et donc, je remercie votre générosité. Et puis, je salue tout le monde en général, bien entendu. Les gens qui ont eu la capacité de supporter mon état énergétique jusqu'à présent, ben écoutez, c'est intéressant. Parce que vous avez une bonne capacité de contenance. Bon, on va aller me calmer, là, on va aller faire d'autres choses. Ça m'a permis de mettre de l'ordre. Parce que avant de faire l'enregistrement, j'étais sous tension. Là, je vois mieux. Bon, je vous laisse, là. À bientôt. Au revoir.